إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. وَيُمَيِّزُ اللَّهُ أَهْلُ الصِّدْقِ وَالْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالْبُحْتَانِ بِالِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ. Allah différencie les véridiques, les gens de la foi, des gens de l'hypocrisie et des gens du mensonge par les épreuves. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Tout homme doit goûter à la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation et c'est à nous que vous serez ramenés. وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. Certes, vous serez certes éprouvés dans vos biens et vos personnes. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Très certainement nous vous éprouverons par la peur, par la faim, par la diminution des biens et des personnes, des fruits. Et faites la bonne annonce aux croyants. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui disent quand un malheur les touche, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là reçoivent les prières de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. وقال تعالى والصابرين على ما أصابهم. Qui endure ce qui les atteint. والصبر على الابتلاء من أسباب رفع الدرجات. La patience sur les épreuves est une cause d'élévation des degrés. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رجلا ليكون له درجة عند الله لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. أخرجه الحاكم وابن حبان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes parmi les gens il y a celui qui pour obtenir un degré auprès d'Allah, n'arrivant pas à l'atteindre de par ses œuvres, qu'il soit éprouvé dans son corps, la maladie, et qu'il atteigne ce degré par cela. وَصَبْرُ عَلَى الْإِبْتِلَاءِ مِنْ أَسْبَابِ كَفَرَةِ الذُّنُوبِ. La patience sur les épreuves est une des causes d'expiation des péchés. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى. Le croyant est certes éprouvé dans cette épreuve. Le croyant est certes éprouvé et cette épreuve est pour lui une cause d'expiation de ses péchés passés. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطية. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, les épreuves ne cesseront d'être sur le croyant ainsi que la croyante, dans sa personne, sa santé, ses enfants, son argent, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah et qu'il ne lui reste plus de péché. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى شوكة يشاكها. رواه البخاري. Le messager d'Allah dit, Il n'y a pas une épreuve à mal qui atteigne le croyant, sans qu'Allah ne lui explique par cela ses péchés, jusqu'à l'épine lorsqu'elle le pique. Wa rawahu Tirmidhi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala thama yabrahu al-bala'u بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطية. Les épreuves ne cesseront d'être sur le croyant jusqu'à ce qu'il marche sur la terre et qu'il ne lui reste aucun péché. وخرج البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط شجرة ورقها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un croyant qui est touché par un mal, de la piqûre de l'aiguille qui le pique, jusqu'à plus haut que cela sans qu'Allah n'expie ses mauvaises œuvres par cela, comme les feuilles qui tombent de l'arbre. La patience, l'endurance dans les épreuves est la cause de l'énorme récompense. قال الله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Je les ai certes récompensés en ce jour pour ce qu'ils ont patienté, enduré, et ce sont les triomphants. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل فوزهم جزاء صبرهم. ابن القيم, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il a déterminé leur réussite, leur triomphe, la récompense à leur patience. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظام الجزاء مع عظام البلاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'énorme récompense se trouve certes dans la grandeur de l'épreuve. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه ابن ماجه. Le messager d'Allah dit, le croyant qui se mélange avec les gens et qui patiente sur leur mal, sa récompense sera plus énorme que le croyant qui ne se mélange pas avec les gens et qui ne patiente pas sur leur mal. قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurez-vous avec constance. Parmi l'épreuve sur la récompense de la patience, قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que tout ce qui est auprès d'Allah durera, et nous récompenserons ceux qui ont été endurants en fonction du meilleur de ce qu'ils œuvraient. وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. Ceux-là auront pour récompense un lien élevé du paradis à cause de leur endurance, leur patience, et ils seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel bon gîte et lieu de séjour. ولما كان الأنبياء أحب الناس إلى الله. Lorsque les prophètes étaient les gens les plus aimés auprès d'Allah. كانوا أشد الناس بلاء أصابهم وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا. Ils, les prophètes, étaient les gens les plus touchés, éprouvés. Ils ont été éprouvés en Allah parce qu'il n'a touché aucune personne. لينالوا بذلك الثواب العظيم ورضوان الأكبر وليأتسي به من بعدهم. Afin qu'ils obtiennent par cela une énorme récompense et l'agrément le plus grand, et pour qu'ils soient pris en exemple par ceux qui viendront après eux. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. Le messager d'Allah a dit, certes si Allah aime un peuple, il l'éprouve. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يسم منه. Le messager d'Allah a dit صلى الله عليه وسلم, celui à qui Allah veut du bien, il éprouve. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عاصم بن بحدلة عن مصعب بن سعد عن أبي قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء. J'ai dit au messager d'Allah, quels sont les gens les plus éprouvés. قال الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. Il dit les prophètes puis les plus rapprochés d'eux dans la guidée. فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اجتد بلاؤه. La personne est éprouvée en fonction de sa religion. Et si sa religion est forte, l'épreuve sera en fonction, en rapport à sa religion. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ لِحَسَبِ دِينِهِ. Et s'il avait une faiblesse dans sa religion, il sera éprouvé en fonction de sa religion. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose pas une âme une charge supérieure à sa capacité. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا شد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Aïcha rapporte qu'elle a entendu le prophète, rapporte qu'elle n'a pas vu quelqu'un souffrir avoir plus de douleur que le messager d'Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعاك كما يعاك رجلين منكم رواه البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je souffre comme souffrent deux personnes d'entre vous. وقال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Et Allah le Très-Haut a dit à propos d'Ayoub alayhi salam, quand il a pleuré à son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال أني كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Et Ibn Mas'ud, qu'à la l'agré rapporte, c'est comme si je voyais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconter l'histoire d'un prophète frappé par son peuple alors qu'il essuyait le sang de son visage. Il disait oh mon peuple, pardonne à mon oh Allah, oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. وقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذو الكفل qui étaient tous du nombre des endurants. وقول لقمان لابنه et la parole de Luqman à son fils. قال الله تعالى يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon fils, accomplis la prière, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en enversé. وَصَبْرُوا عَلَى الْإِبْتِلَاءِ من أسباب دخول الجنة. La passion sur les épreuves est une des causes d'entrer au paradis. قال الله تعالى وجزاهم بما صبروا جنات وحريرا. Et on les rétribuera parce qu'ils ont enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. وقد بواب الإمام البخاري رحمة الله عليه باب فضل من ذهب بصره. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, chapitre la vertu de celui qui perd la vue. Ananas ibn Malik radiyallahu anhu qal samirtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah ta'ala qala idha btalaytu 'abdi bi habibatay fa sabara 'awadtuhu minhumal al-janna. Anas kala al-Ghadi, j'ai entendu le messager d'Allah dire qu'Allah a dit si j'éprouve mon serviteur sur ses deux parties les plus aimées, ses yeux, et qu'il endure avec patience, je le récompenserai pour ses deux yeux par le paradis. وفي صحيح البخاري ايضا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنه. Dans un hadith qudsi, Allah dit je n'ai pas d'autre récompense pour mon serviteur croyant lorsque je prends son bien-aimé et qu'il espère ma récompense à part le paradis. ومن أسباب الذي لم تصب الإنسان فجأة البلاء ما جاء في حديث عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح ثلاثة مرات لم تصبه فجأة البلاء حتى يمسي رواه أبو داود. Parmi les causes qui éloignent l'homme, le protège des épreuves, c'est ce qui est venu dans le hadith de Othman ibn Affan qui a entendu le messager d'Allah dire, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit au nom d'Allah, par lequel aucune chose ne peut nuire, sur la terre et dans le ciel, le répétant trois fois, il ne sera pas touché par un mal jusqu'au matin. Et celui qui dit cela trois fois le matin ne sera pas touché par un mal jusqu'au soir. Wa ma jaa min hadith Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ra'a mubtala fa qala alhamdulillah alladhi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafjila lam yusibuhu dhalika albala akhrajahu Tirmidhi. Aussi, parmi les causes qui protègent l'homme des épreuves, ce qui est mis dans le hadith d'Abi Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit une personne éprouvée, touchée par un mal, qu'ils disent louange à Allah qui m'a préservé de ce qui t'a éprouvé et qui m'a préféré sur beaucoup de ce qu'il a créé, celui qui dit cela sera préservé de cette épreuve. ويقول الإنسان إذا ابتلي ببلاء إن لله وإنا إليه راجعون عملا بقول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ويقول اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. La personne doit dire si elle a été touchée par une épreuve, un malheur, une ibtila, c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons, pratiquant par cela la parole d'Allah qui dit quand un malheur les touche, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et il doit dire, ô mon Seigneur, récompense-moi dans mon épreuve, mon malheur, et remplace-le pour moi par meilleur, pratiquant par cela la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, kama jaa fi hadith Salama, lama qalat samirtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yakul, ma min muslimin tusibuhu musibatun, fa yakulu ma amalallahu ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, alawma jurni fi musibati, wa akhlif li khayran minha, illa akhrafallahu lahu khayran minha. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي مسلم خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme est venu dans le hadith d'Umm Salama, lorsqu'elle entendit le messager d'Allah dire, il n'y a pas un musulman qui soit touché par une épreuve, un malheur, et qu'il dise, ce qu'Allah lui a ordonné, c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Ô mon Seigneur, récompense-moi dans mon épreuve, mon malheur, et remplace-le pour moi par meilleur. Il n'y a pas un musulman qui dit cela sans qu'Allah ne lui remplace par meilleur. Umm Salama a dit, lorsqu'Abu Salama mourut, qui est donc meilleur qu'Abu Salama, la première maison à avoir émigré vers le messager d'Allah? Puis j'ai dit cette invocation et Allah me l'a remplacé, mon mari, par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ومن يسر الله له الصبر على الابتلاء فهذه نعمة من الله كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبره الله وما أعطي أحدا من عطاء خير وأوسع من الصبر. Celui à qui Allah facilite se voit patienter sur les épreuves, parce que la patience provient d'Allah, comme est venu dans le hadith d'Abi Sa'id, dans l'authentique de Muslim. Le messager d'Allah a dit, celui qui patiente, qui endure, Allah le fait patienter, et il n'a pas été donné à une personne un don meilleur et plus large que la patience. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي يحيى سهيب ابن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن صبته سر شكر فكان خير له وإن صبته ضر صبر فكان خير له. Le messager d'Allah dit, étonnante est la situation du croyant, du mu'min, car dans toutes les situations, c'est pour lui un bien, et ceci n'est valable que pour le croyant. Si le bien le touche et qu'il est reconnaissant, ce sera pour lui un bien, et si un mal le touche et qu'il endure avec patience, ce sera pour lui un bien. وإياك أن تكون من الذين لا يصبرون على الابتلاء والمصائب فتكون من الخاسرين ممن خسر بذلك الدنيا والأخرى. Prends garde à ne pas faire partie de ceux qui ne patientent pas et n'endurent pas dans les épreuves, que tu ne deviennes par ce manque de patience, ce manque d'endurance, parmi les perdants, perdant ainsi le bien d'ici-bas et le bien de l'autre monde. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, s'en tranquillisent, et si une épreuve les touche, ils détournent leur visage, perdant ainsi la vie présente et celle de l'au-delà, telle est la perte évidente. وقال تعالى أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi les épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se furent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah est sûrement proche. Wa min adilla atawasaw bis sabr, et parmi les preuves du fait de s'enjoindre à l'endurance, à la patience, par Allah ta'ala. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Et cet être, en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement à l'endurance et s'enjoignent mutuellement à la miséricorde. وَقَالَ تَعَالَى وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Endure donc, ton endurance ne proviendra qu'à l'aide d'Allah. وَقَالَ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement à l'endurance. قال الأمان الجامي رحمة الله عليه في هذه الآية قال من دعا إلى ذلك وعمل بذلك ليس من الخاسرين. وقال تعالى فالصبر وقال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.